professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quels étaient les différents usages de l'huile d'olive et des sous-produits comme combustible dans le monde antique, demande l'archéologue Jean-Pierre Brun. Quel type d'éclairage offrait la lampe à huile de la Mésopotamie à la Bible en passant par l'Égypte, la Grèce et Rome? Quel était l'usage religieux de cette huile d'olive, des lampes des temples aux statues des dieux, aux petits autels de culte des rues, des différents rites antiques jusqu'aux funérailles? Comment l'onction d'huile joue-t-elle un rôle central dans le baptême avec l'avènement du christianisme? Et le foulon? Et l'alchimiste, que pouvons-nous apprendre de leur emploi très technique de l'huile d'olive dans leur métier? Quelles étaient enfin les propriétés de l'amurca, ce sous-produit antique issu de l'extraction de l'huile d'olive qui révèle un effet antioxydant et antiseptique utilisé aussi bien en agriculture qu'en médecine et qu'en maçonnerie? Jean-Pierre Brun, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Techniques et économies de la Méditerranée antique, nous a proposé une vaste fresque que nous achevons aujourd'hui dans le cadre de sa série sur 2 années intitulée Techniques et économies de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique. Ce premier cycle de cours, consacré à un état des connaissances sur l'histoire naturelle, la culture de l'olivier et la production d'huile, se termine sur une question ouverte : quelle place tenait dans les ménages antiques la consommation d'huile d'olive ? Si l'huile d'olive en tant que combustible tient une large place dans cette dernière heure, l'archéologue s'attache aussi aux sous-produits qui sont issus de son extraction, des noyaux d'olive à la décantation qui consiste à séparer, grâce à la différence de densité, l'huile des margines et des mous huileux. Dans le cours que Jean-Pierre Brun a consacré à l'archéologie de l'énergie en 2012, l'archéologue expliquait, je le cite, que le bois n'est pas le seul combustible possible, d'autres ont été utilisés, en particulier dans les régions où une pénurie de bois se faisait sentir. On a ainsi employé des excréments d'herbivores séchés, notamment en Afrique du Nord et au Proche-Orient, et du grignon d'olive, c'est-à-dire le résidu ligneux qui reste après le pressurage des olives pour en extraire l'huile. Le grignon possède un fort pouvoir calorifique, il servait à chauffer des thermes et des fours de potiers, des faubourgs d'Athènes durant la deuxième moitié du IIIe siècle après Jésus-Christ, à ceux de Carthage. Jean-Pierre Brun indiquait aussi que les fouilles en cours de Nicolas Montex sur les boulangeries de Pompéi montrent que le grignon d'olive est un des combustibles principaux. Il met également en valeur ce que les anciens appelaient l'amurca, qui possède une action phytosanitaire et insecticide. Décidément, que de vertus autour des productions de l'olivier. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 19 décembre 2017 pour le cours de Jean-Pierre Brun, Technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique. Aujourd'hui, combustible, onction, usage technique et divers de l'huile d'olive et de ses sous-produits. Alors nous en arrivons maintenant à un autre usage qui est très important dans l'Antiquité, c'est l'usage en tant que combustible dans les lampes. Les premières lampes à huile connues remontent au chalcolithique. Leur usage se répand ensuite très rapidement dans toutes les agglomérations du Proche-Orient. Les contes du palais de Marie, à l'époque de Zimri-Lim, mentionnent l'huile pour les lampes du divan, pour l'intendant et pour les princes, mais il s'agit certainement d'huile de graines. Au Ougarit, au XIIIe et XIIe siècle avant Jésus-Christ, La production d'huile d'olive tenait une place considérable et les archives attestent qu'elle était employée autant pour l'alimentation que pour l'éclairage, notamment des temples. C'est aussi à cette fonction qu'on la retrouve en Judée. La Bible évoque l'huile destinée à l'éclairage du temple dans l'Exode en 27-20 et dans le Lévitique en 24-2. Et 7 lampes ont été trouvées dans le temple de Naharia, daté de l'âge du bronze moyen. Dans toute l'Égypte, les temples et les maisons étaient éclairés toute la nuit durant les fêtes de Saïs, selon Hérodote, et je vous renvoie au livre 2, paragraphe 62, et on appelait cette fête la fête des lampes ardentes. Durant les temps pharaoniques, jusqu'à l'époque arabe, c'est surtout l'huile de graines qu'on utilisait dans les lampes, notamment l'huile de ricin, mais aussi de lin. Et là, nous avons une grande série de références, aussi bien chez Hérodote, en 2,94, Diodore de Sicile, en 1,34,11, puis Strabon, en 17,25, etc. Ainsi que, bien sûr, dans les papyrus, je vous cite seulement le papyrus Cairo-Zénon 4, 59,689. Dès l'époque archaïque, notamment lors des banquets, la lampe à huile détrôna la torche pour l'éclairage nocturne des maisons et des temples. Au IVe siècle, lorsque l'on organisait un banquet entre amis, l'hôte fournissait l'huile des lampes pour l'éclairage. En effet, Théophraste, dans son ouvrage satirique intitulé « Les caractères », décrit au chapitre 30, sous chapitre 18, le personnage cupide qui, lorsque les gens se réunissent chez lui, fait, je cite, « l'estimation des denrées qu'il a lui-même fournies, le bois, les lentilles, le vinaigre, le sel et l'huile des lampes ». Les potiers grecs fabriquaient des lampes tournées à vernis noir et les potiers puniques, au contraire, des coupelles ouvertes en céramique commune. À l'époque hellénistique et tout au long de la période romaine, les lampes comportaient au contraire un réservoir fermé, le plus souvent décoré d'un sujet en relief. La mèche qui trempait dans l'huile et sortait par un bec pouvait brûler environ 2 heures et consommer en moyenne 0,5 centilitres par heure. Mais cette faible consommation d'huile de seconde qualité est à relativiser car pour éclairer correctement une pièce, il fallait de nombreuses lampes ou des lampes à plusieurs becs, qui se multiplient à partir de l'époque hellénistique. Philippe Bruneau, lorsqu'il fouillait à Délos dans le quartier de Scardana, a remarqué que les maisons de riches personnages qui habitaient cette partie un peu périphérique de la ville de Délos comptaient en moyenne une dizaine de lampes par pièce et les fouilles récentes des maisons en forme de tour d'époque hellénistique ont été fouillées à Marea près d'Alexandrie. Donc ces fouilles récentes ont livré dans les niveaux hellénistiques une lampe pourvue de 7 becs. Donc c'est quelque chose qui, au moins à partir du IVe siècle, devient très courant. Antiphane, un auteur du IVe siècle avant Jésus-Christ, cité par Athénée au livre 4, paragraphe 170d, écrit dans la pièce Le Métèque, que certaines grandes maisons avaient des trapezopoioi, c'est-à-dire des esclaves qui étaient chargés de laver la vaisselle, d'apprêter les lampes et de mettre en place les lits de banquet. Il fallait au moins 10 lampes pour un banquet, ce qui veut dire au moins un demi-litre d'huile chaque fois. En Égypte gréco-romaine, où nous l'avons vu, la production d'huile d'olive augmente fortement à l'époque hellénistique, une association d'hommes de Tep-Tunis, qui est une ville du sud du Fayoum, prévoit, en 114 avant Jésus-Christ, de payer un joueur de flûte et de couvrir les dépenses d'huile nécessitées par les lampes et également les dépenses de vin et de parfum. À l'époque romaine, la lampe qui éclairait le sanctuaire d'Amon dans l'oasis de Siwa était alimentée par de l'huile d'olive, ainsi que nous l'indique Plutarque dans les Moralia, paragraphe 410. Arsinoé, dans le Fayoum, qui était devenue une grande région d'oléiculture, le temple de Jupiter Capitolin était alimenté, était éclairé par des lampes à huile, si l'on en croit le témoignage d'un papyrus de 215 après Jésus-Christ, publié dans le Begeou de 262. À Rome, les lampes étaient remplies d'huile de qualité inférieure qui était mélangée avec du sel. Le sel absorbait l'humidité et donnait à la flamme une couleur jaune. C'était le comble de l'avarice que d'utiliser ces huiles pour les massages. Horace écrit dans la Satire 1, 6-124, je cite, « Je reste couché jusqu'à la quatrième heure. Puis je vais me promener où je lis, où j'écris, où je songe en silence, où je me fais frotter d'huile, mais non pas d'huile votée aux lampes comme l'immonde Nata. » Pour Juvénal, en Satire 5, vers 86, c'est d'utiliser l'huile de lampe pour l'assaisonnement des plats qui est un signe manifeste d'avarice. Dans la Satire 5, où il se moque des mœurs des riches qui font servir des plats différents à eux-mêmes et à leurs obligés, il est question d'un maître de maison qui se fait présenter une magnifique langouste alors que les invités ont droit seulement à une langoustine. Et je cite, « Le maître arrose sa langouste d'huile de vénafre. Mais toi, tu vas manger une chose défraîchie qui sent l'huile de lampe, de cette huile qu'apportent les descendants de Micipsa dans leur barque à la proue aiguë. » Les descendants de Micipsa sont bien entendu les Africains, puisque Micipsa était roi des Numides de 148 à 118 avant Jésus-Christ. On brûlait en effet toutes sortes d'huiles et de gras dans les lampes, et notamment de l'huile de ricin, dont Hérodote, en 294, dit que les Égyptiens se servaient surtout pour l'éclairage. À l'époque romaine, Pline, en 1525, mentionne l'huile de ricin pour l'éclairage, déplorant que la lumière produite soit faible. Cinq amphores africaines, que l'on appelle des spatheia, ont été trouvées dans un entrepôt de Classé, à Ravenne, en Italie. Ils ont été analysés par Alexandre Pecci et ils se sont révélés contenir de l'huile de ricin. L'huile de sésame était aussi utilisée dans certaines parties du monde romain. Un article de Nicolas Garnier, Catherine Tokarski et Christian Rolando, qui s'appelle « Quel combustible pour les lampes nabatéennes de Petra ?», paru dans un ouvrage collectif dirigé par Jean-François Salles, « Les lampes antiques du Bilal el-Cham de l'âge du bronze à la période de transition byzantine-omeyyade », paru à Amman en 2011, rend compte d'analyses réalisées sur des lampes nabatéennes provenant de la chapelle d'Obodas à Petra et datée du 1er siècle après Jésus-Christ. Leur analyse biochimique a prouvé que deux des lampes avaient été alimentées exclusivement en huile de sésame et les autres soit avec des mélanges, soit par des remplissages successifs d'huile d'olive et d'huile de sésame. Étant donné l'abondance des lampes à huile en métal et en céramique durant l'Antiquité et durant l'Empire romain en particulier, la consommation d'huile pour l'éclairage devait être considérable. Durant l'Empire romain, les lampes à deux becs étaient courantes, comme par exemple celles que l'on trouve à Pompéi. Et on connaît de nombreux exemples, comme à l'époque hellénistique, de lampes dotées de nombreux becs, notamment par exemple dans les productions de lampes africaines. Mais cet usage de l'huile pour les lampes valait surtout pour les régions de production. Dans les zones dépourvues d'oliviers, on l'épargnait. À Milan, qui est dans une zone très limite, où il n'y avait pas beaucoup d'oliviers, sauf dans les alentours du lac de Garde et sur les contreforts des Alpes. Donc à Milan, Saint-Augustin se plaint qu'il ne peut pas travailler la nuit. Dans le De Ordine, livre 1, paragraphe 6, il écrit « Une nuit, en m'éveillant, le désir du beau temps me faisait prêter l'oreille. J'écoutais si la pluie tombait, et cette eau murmurait comme à présent. Trigétus, qui est un de ses amis, parla de même. Lui aussi couché sur son lit et dans la même pièce, veillait à notre insu. Car nous étions dans les ténèbres, ce qui est presque nécessaire en Italie, même chez les riches. Cette pénurie le frappait, car il était né à Mador, un grand centre de production d'huile d'olive. Parce que, outre l'éclairage interne, on a quelques indications sur l'éclairage externe. Comme vous le savez, l'éclairage public est une invention qui est relativement récente. Et dans les rues antiques, la nuit, l'usage normal était d'amener son propre éclairage, une torche, une lanterne, on a quelques beaux exemples à Pompéi de lanterne en bronze, une lampe, car il n'y avait pas d'éclairage public. Mais toutefois, il faut se souvenir qu'il y avait quelques points lumineux. De nombreux hôtels de carrefour, par exemple, qui étaient dédiés dans le monde romain au lard Compitales, étaient souvent illuminés de nuit grâce à la piété populaire ou à des actes d'évergétisme. Ces hôtels procuraient un éclairage minimal à l'angle des rues. Au-delà des portes des villes, il y avait aussi des tombes éclairées qui jouaient le même rôle. Et en certaines circonstances, comme lors de triomphes, de jeux de gladiateurs, par exemple, l'empereur assurait l'éclairage public de la ville. Les graffitis du poste de garde de la 7e cohorte des vigiles urbains de Rome montrent qu'il existait un service appelé Sebastiaria en charge d'une forme d'éclairage public, en tout cas à Rome. Selon Robert Sablerol, dans son ouvrage « Libertinus Miles, les cohortes des vigiles » paru à Rome en 1996, page 376 et suivante, la Sebastiaria était un tour de garde d'un mois autour duquel le Sebastiarius, qui appartenait donc au corps des vigiles, devait préparer et mettre en place les torches de suif sur le parcours des patrouilles nocturnes d'un 7 heures déterminées. Mais outre ces torches de suif, il semble qu'on ait aussi utilisé des lampes à huile et des mèches, car il en est question dans des inscriptions, et notamment deux inscriptions du corpus des inscriptions latines, tome 6, numéro 3019 et 3038. Rome et d'autres villes étaient donc illuminées lors des fêtes, et le Sebastiarius était chargé de l'éclairage de son secteur. Mais en dehors des circonstances, les villes n'étaient pas éclairées et donc très dangereuses. Avec l'engouement de l'usage des thermes, dans le courant de la fin du IIe et surtout au IIIe siècle, l'empereur Alexandre Sévère, qui régna de 222 à 235, autorisa l'ouverture des établissements de bains de Rome après le coucher du soleil et il affecta un nouvel impôt sur les artisans de luxe, c'est-à-dire sur les couturiers, les fourreurs, les orfèvres, les serruriers et les verriers, un nouvel impôt qui était destiné à l'entretien des thermes et à l'achat de l'huile des lampes. Et vous trouverez la référence dans l'Histoire Auguste, vie d'Alexandre, en 24-5-6. Une quarantaine d'années après, en 275, l'empereur Tacite prit la mesure inverse, il fit fermer les thermes la nuit pour éviter les désordres et peut-être pour faire des économies. Et là, on a une référence dans la vie de Tacite au paragraphe 10. À la fin du IVe siècle, certaines villes se dotèrent d'un embryon d'éclairage public. Un passage du discours dit Antiochikos de Libanios, au paragraphe 266-267, fait allusion à un éclairage nocturne des portiques bordant les rues d'Antioche et permettant aux commerçants et aux artisans, dont les forgerons, de travailler la nuit. Cette particularité est confirmée par Ramien Marcellin en 14-1-9, à propos des meurtres commandités par le César Constantius Gallus. Vous savez que Gallus était cousin de l'empereur Constance, et qu'il avait donc élevé au rang de César et prévoyait d'en faire son successeur. Et Gallus, donc à Antioche, en 351 après Jésus-Christ, parcourait, au dire d'Amiens, le soir, les carrefours et les tavernes avec un petit nombre de compagnons armés. Et il voulait savoir ce qu'on pensait de lui dans la ville, où, je cite Amiens, l'éclairage de nuit rivalise avec la clarté du jour. Donc on voit un très large usage là aussi de l'huile d'olive et certainement, de l'huile d'olive et des autres huiles, de l'huile d'oricin, de l'huile de sésame, etc. Et donc certainement une consommation forte de ce point de vue-là. Par ailleurs, il y avait aussi des usages religieux. L'huile était offerte aux dieux sous diverses formes, notamment en libation sur l'autel. Il fallait remercier les dieux de leurs dons en offrant une part des récoltes. Ces pratiques sont attestées dès le 24e siècle avant Jésus-Christ dans les archives d'Ebla. Lorsque le rituel prévoyait que les chairs de la victime sacrifiée devaient être totalement consumées, on répandait de l'huile sur les entrailles afin d'en accélérer la combustion. Et vous trouverez une référence à cela dans Hérodote en 240 pour l'Égypte et chez Virgile dans l'Énéide 6254 pour l'Italie. Les statues de culte étaient enduites d'huile. Dans le royaume de Marie, déjà, au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, l'huile était employée pour le bain des statues divines, par exemple pour celle des dieux Dagan et celle de Marat Iltim. Ce rituel se perpétua durant toute l'Antiquité. En Grèce, on oignait d'huile, parfumée ou non, les statues de culte et les pierres comme l'omphalos de Delphes ou les statues du sanctuaire de Délos. En 251 avant Jésus-Christ, l'administration du sanctuaire de Délos acheta pour 6 drachmes et 4 bols et demi de parfum et d'huile pour la parure d'une statue. Il en allait de même en Égypte romaine, où les comptes du temple de Jupiter Capitolin à Arsinoé prévoient des dépenses d'huile également pour les statues. Les particuliers procédaient de la même façon avec leur génie domestique et avec les autels placés dans les rues. Théophraste, dans son ouvrage sur les caractères, au paragraphe 16.5, se moque du superstitieux qui, dit-il, lorsqu'il passe devant ces pierres ointes que l'on voit dans les carrefours, y verse toute l'huile de sa fiole et ne s'éloigne qu'après les avoir adorées à genoux. Le comble de l'impiété était en effet de ne pas s'acquitter de ce geste rituel. Aemilius, beau-frère de Pudentia, qui était l'épouse d'Apulée, le célèbre auteur, était considéré par ses concitoyens comme un homme vraiment impie, car, je cite, « ceux qui ont été chez lui affirment n'avoir jamais vu sur son domaine ne fût-ce qu'une pierre ointe d'huile ou un rameau orné d'une guirlande ». Et ce passage, vous le trouverez dans l'Apologie, au paragraphe 56.5. Chez les Juifs, selon la Genèse, en 28-18, Jacob fit un autel à Dieu avec la pierre qu'il avait mise sous sa tête et sur laquelle il versa de l'huile pour la consacrer. C'est qu'en fait, le seul fait d'enduire d'huile une pierre en faisait une pierre sacrée, d'où les rituels que l'on constate encore à l'époque romaine pour les bornes délimitant les champs qui deviennent ainsi inviolables. Dans le corpus des Agrimensores, Siculus Flaccus, et dans le traité qui s'appelle De Conditione Agrorum, paragraphe 106, Siculus Flaccus donc prévoit que les arpenteurs qui délimitent les champs posent, je cite, les pierres debout sur le sol ferme et qu'ils les couronnent d'huile parfumée, de bandelettes et de couronnes de fleurs. Outre ces usages rituels, il y avait bien entendu les usages funéraires. Lors du sacrifice en l'honneur des Plataéens morts durant les guerres médiques, on faisait des libations de vin, de lait, on apportait des fioles d'huile et de parfum pour enduire les stèles funéraires, comme le dit Plutarque dans la vie d'Aristide, paragraphe 52. De même, le règlement funéraire de Céos, datant du 5e siècle avant Jésus-Christ, prévoit la fourniture d'huile de vin pour les cérémonies funéraires, et je vous renvoie aux Inscriptiones Graecae 12.5, numéro 593. Avant la crémation ou l'ensevelissement, on oignait le corps d'huile parfumée d'onguent. Et nous en avons plusieurs attestations chez Virgile dans l'Énéide en 6.219 et chez Apulée dans les Florides en 4.19. C'est d'ailleurs ainsi que le corps de Jésus fut parfumé par les femmes qui se rendirent à son tombeau. Et je vous renvoie à l'évangile de Marc en 16.1. La religion chrétienne fit d'ailleurs de l'huile le symbole de l'effusion de l'Esprit de Dieu. Le Sauveur est loin de Dieu. L'Esprit Saint est sur moi, car il m'a oint pour évangéliser les pauvres, dit Luc en 4:18. Au IVe siècle de notre ère, Éphrem le Syrien explicite ainsi son rôle, le rôle de l'huile. Le nom de l'huile est un symbole et de lui dérive le nom du Christ. Si les disciples ont été oints et consacrés, c'est que dans l'huile, le Christ était mystérieusement présent. Et il complète cet hymne à l'huile d'olive par ses effusions poétiques. L'Esprit Saint imprime par l'huile son sceau aux brebis de son troupeau. L'huile est un véritable miroir. Et d'où que je puisse observer l'huile, je vois le regard du Christ qui resplendit en elle. Et ce passage est extrait du De Virginitate 4:6-8. On comprend dès lors son rôle central dans le baptême. Selon Tertullien, dans le De Baptismo, paragraphe 7, je cite, « Par la suite, sorti du bain, nous sommes oints de sa sainte onction, conformément à la discipline ancienne, selon laquelle on avait coutume d'être consacré pour le sacerdoce, avec l'huile contenue dans une corne. C'est de cette huile qu'Aaron avait été oint par Moïse. » Ces huiles liturgiques étaient souvent parfumées. Le Liber Pontificalis montre que l'Église de Rome faisait une grande consommation d'huile parfumée au nard gangétique, qui venait donc de l'Inde. Mais cette indication est générique, il peut s'agir de n'importe quel type d'huile de base, et il est probable, en l'occurrence, qu'il s'agissait de l'huile de benne. L'huile était consacrée par l'évêque durant le baptême en disant une prière, c'est l'huile d'action de grâce, oleum gratiarum actionis. Si l'on ajoute à cette huile celle destinée aux exorcismes, aux soins des malades, à l'extrême onction, à l'illumination des églises et à la consommation personnelle du clergé, on atteint là nouveau des quantités importantes et il est assez logique finalement que l'Église ait cherché très tôt à se faire donner des olivettes pour survenir à ses besoins et à posséder elle-même des huileries, comme on le voit très souvent en Orient où des huileries sont associées à des églises. Il y avait enfin des usages divers. À la ferme, d'abord, où l'huile trouvait divers emplois. On l'utilisait pour empêcher la repousse des végétaux lors d'un défrichement. Et je vous renvoie à Théophraste, dans l'ouvrage « Causis plantarum » en 5:15-6 et dans « Recherche sur les plantes » en 4:16-5, qui dit que l'huile est l'ennemi de tous les végétaux et qu'on en verse sur les racines coupées pour les empêcher de repousser, surtout lorsqu'il s'agit de jeunes arbres. On utilisait aussi l'huile pour soigner la vigne, et selon Palladius, qui le dit très clairement au livre 1, paragraphe 35-4, et qu'il utilise aussi dans le même traité pour préparer du mastic, et vous trouverez la référence en 1-42. Les sources écrites grecques et latines indiquent que l'huile était employée pour d'autres usages qui étaient artisanaux. Le foulon, naphéus en grec, ou foulo en latin, s'en servait pour la finition des habits et des étoffes qu'il livrait à la clientèle. Athénée, dans le Banquet des Sophistes, livre 13, paragraphe 582e, cite Macon, qui racontait qu'une courtisane nommée Glycérion avait reçu comme cadeau d'un de ses amants une petite robe d'été bordée de pourpre et l'avait confiée au foulon. Après un certain temps, elle envoyait son esclave la chercher. Mais le foulon lui dit « M'as-tu au moins apporté les 3/4 d'huile nécessaires ? Si tu l'as fait, je te donne la robe, sinon je ne peux pas. » Alors la dite Glycérion, qui connaissait mal ou pas du tout les pratiques du métier, s'écria alors « Mais il m'embête celui-là, qu'est-ce qu'il veut faire offrir ma robe comme des sardines ?» Donc, ça montre bien qu'il y avait un usage très technique qui est échappé assez souvent au commun des mortels. C'est une pratique de métier. Alors, dans le même domaine, on n'a jusqu'à présent pas trouvé d'attestation d'utilisation de l'huile pour une pratique qu'on appelle l'encimage, qui est une opération qui facilite le cardage de la laine en aspergeant une certaine quantité d'huile émulsionné dans de l'eau, afin d'aider le glissement des fibres de la laine, qui est naturellement vrillée, lorsqu'on les carde. C'est un procédé qui était très courant au Moyen-Âge et à l'époque moderne, au XVIIe siècle, cet emploi mobilisait un quart des importations d'huile d'Italie. Et il me paraît assez étonnant qu'on ne l'ait pas employé dans l'Antiquité, mais je n'en ai trouvé jusqu'à présent aucune attestation dans les sources. Alors, au titre des usages divers, on peut aussi citer l'usage que les alchimistes antiques faisaient de l'huile dans divers procédés de purification des métaux, tels que l'étain. À ce propos, je vous renvoie à l'ouvrage de Robert Halleux, Les alchimistes grecs, le papyrus de Leyde et le papyrus de Stockholm, paru chez les Belles Lettres en 1981. Le papyrus de Stockholm, qui date environ de 300 avant, après Jésus-Christ, nous donne des recettes pour fabriquer du béryl, et même pour transformer le béryl en émeraude, soi-disant, une opération qui demandait l'emploi d'antaquinum, c'est-à-dire d'huile de très bonne qualité. Les alchimistes utilisaient aussi de l'huile à bien d'autres emplois, comme par exemple la dissolution de l'orcadette, et toujours dans le papyrus de Stockholm, paragraphe 627, ou pour faire une teinture en sardoine, et toujours dans le même papyrus, au paragraphe 121. Donc vous voyez une palette très large d'utilisation des diverses huiles dans l'Antiquité. Le Collège de France et France Culture vous présente l'archéologue Jean-Pierre Brun, technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique. Aujourd'hui, combustible, onction, usages techniques et divers de l'huile d'olive. Mais il n'y avait pas que les huiles qu'on utilisait, il y avait aussi les sous-produits. Les sous-produits que sont les margines d'un côté et les grignons de l'autre. Les margines sont les résidus liquides de l'extraction de l'huile, ce que les latins appelaient amurca, et les grignons sont les résidus solides, les noyaux et la pulpe pressée et desséchée, que les latins appellent simplement nuclei olivarum. Alors commençons par l'amurca. Selon un article récent, le terme amorgé, en grec, ne dériverait pas, comme on l'a longtemps pensé, du verbe amergo, qui veut dire cueillir, évidemment n'a pas beaucoup de sens, mais aurait plutôt une origine sémitique. En effet, Eric Lee Welsh, dans un article intitulé Amurca amorgé, Semitic Landword, paru dans A Cultural Contact and Appropriation in the Actual Age Mediterranean World, paru à Leyde en 2017, vient de faire la proposition que amorgé viendrait de la forme passive amourak du verbe eric, donc du verbe sémitique eric, qui veut dire ce qui est vidé dehors, donc ce qui est éliminé. Les anciens faisaient un emploi très vaste de cette substance qui a une définition fort large. Pour Pline, c'est l'eau de végétation des olives. Et je vous renvoie à l'Histoire naturelle, livre 15, paragraphe 9. Mais la multiplicité des usages et l'emploi de l'amurca comme graisse implique que ce liquide contient aussi des substances grasses. En fait, les margines recueillies dans les pressoirs traditionnels sont composées d'eau, à raison de 47%, de matières grasses, environ 49%, et ensuite de quelques pourcents de protéines, d'hydrates de carbone, etc. Varro donne la définition la plus claire dans les Restes rustiqués, livre 1, paragraphe 64. Je cite, « L'amurca, une fois extraite des olives, étant un liquide aqueux et le résidu du pressurage, mis dans un vase en terre, se garde quelquefois de la façon suivante. On fait passer en soufflant ce qu'il contient de plus léger et qui surnage dans d'autres vases, et on répète l'opération à intervalles réguliers pendant les 6 mois suivants. La dernière fois, le transvasement se fait au déclin de la lune. Alors, on le fait bouillir sous un feu doux, dans des chaudrons, jusqu'à ce qu'on le réduise aux 2/3. Alors enfin, il peut être sorti pour l'usage. » En fait, l'amurca, dans son emploi le plus courant, désigne donc les margines, ce sont ces boues huileuses, et la décantation et l'évaporation, notamment en la faisant chauffer, est destiné à éliminer une partie de cette eau. Et ces traitements permettaient d'obtenir un liquide graisseux, un peu l'équivalent des huiles d'enfer ou de caquier qui étaient recueillies à l'époque moderne par décantation successive des margines dans les huileries traditionnelles, notamment de Provence. Or, il se trouve que les propriétés de la murca qui avaient été observées par les anciens viennent d'un composant chimique de l'eau de végétation des olives et de son caractère antioxydant. Cette dernière particularité explique notamment son action insecticide et phytosanitaire. Les études récentes montrent en effet que la murca contient une forte proportion de phénol, l'européine, isopronyl-5-méthyl, acide sinipique, acide gallique, etc. Cette proportion élevée a un effet antioxydant et antiseptique, détruisant les bactéries pathogènes telles que les salmonelles ou les staphylocoques dorés et des champignons également. C'est donc un bon conservateur des nourritures et elle empêche le développement des bactéries de dégradation. Alors, les anciens qui s'étaient aperçus de cela faisaient un emploi très vaste de cet amurca qui va des emplois dans l'agriculture, à la médecine, en passant par la maçonnerie. À la fin du IIIe siècle avant Jésus-Christ, Philon de Byzance, dans son traité sur les fortifications d'attaque et de défense, livre 2, paragraphe 2, indique qu'il faut stocker des céréales dans des silos profonds dont les parois doivent être revêtues sur 4 doigts d'épaisseur d'un enduit d'argile mêlé à de la paille et à de la murca. Le grain s'est conservé encore mieux, selon lui, si on mettait au centre une jarre remplie de vinaigre. Au paragraphe suivant, il réitère les mêmes conseils au cas où le grain serait entreposé dans des greniers enduits intérieurement d'amurca et bien ventilés. L'amurca a été considérée par les auteurs latins comme excellente pour chasser les parasites et les insectes. En la mélangeant à de la chaux, on obtenait un enduit très dur, convenant parfaitement à la protection des maisons, des greniers, des caves et des aires à battre le blé. Évidemment, puisque ça permet d'éliminer les parasites. Et je vous renvoie à Caton, qui en fait un large usage dans le traité sur l'agriculture, paragraphes 91, 92, 128 et 129, ainsi qu'à Columel, au livre 1, 6, 13, ainsi qu'en 10, 351, et enfin à Pline, au livre 18, et au paragraphe 295 à 305. Vitruve, dans son traité sur l'architecture, au livre 7, 1, 6, conseillait d'imprégner d'amurca les sols pavés des terrasses reposant sur des planchers mais exposés aux intempéries. Ainsi, gorgés d'huile et de gras de ce produit, ces sols ne laissaient pas pénétrer l'eau et donc échapper au gel. Caton, dans le De Agricultura, paragraphe 98, se fait l'écho de ces pratiques qui avaient donc découvert empiriquement l'action des insecticides de la murca et il l'utilise contre les mites des vêtements et contre les vers rongeant les meubles. En agriculture aussi, la murca jouait un rôle certain. Elle fortifiait l'olivier et combattait sa stérilité. Elle entrait aussi dans le traitement des figuiers. Et toujours Caton faisait un mélange, mélangeait l'amurca, du soufre et du bitume, et s'en servait pour traiter les vignes contre les chenilles. Au paragraphe 95, repris par Pline, livre 18, paragraphe 264. Columel aussi, en 424, la préconise pour soigner les blessures de la taille des vignes, car l'amurca éloigne les coccidelles et les coccinelles et les fourmis. Enfin, Palladius, dans son traité sur l'agriculture, en 1122 et suivant jusqu'en 136, l'emploie pour plusieurs usages, notamment contre les chenilles qui attaquent les choux. Selon Columel, au livre 2, paragraphe 9, certains agriculteurs désinfestaient leurs champs des parasites en répandant de la murca dans les sillons, et donc les études récentes montrent que ce n'était pas complètement idiot. La consistance de la murca la destinée aussi à être utilisée comme graisse pour les essieux et pour cirer les cuirs, en quelque sorte, comme nous l'indique Pline au livre 15, paragraphe 33. Un graffito du corps de garde de la 7e cohorte des vigiles de Rome fait mention d'oleum in caligas, c'est-à-dire d'huile destinée à graisser les chaussures des soldats. Je vous renvoie au CIL 6, inscription 3053. Et donc, cette oleum in caligas pourrait être en fait une sorte de graisse tirée de la murque. On empêchait aussi l'oxydation des cuivres en les recouvrant d'une couche de cette graisse épaisse, selon Caton, au paragraphe 98. Et on s'en servait comme conservateur pour le vin qu'on expédiait par bateau, ainsi que comme conservateur pour les figues et les coings. Enfin, la murca, sous cette forme de pâte, servait à rendre étanches les jarres à huile, et on complétait le revêtement par de la gomme, comme nous l'indique Caton au paragraphe 67 et Pline en 1533. En effet, réduite au feu, on obtenait une graisse que Caton utilisait aussi pour toutes sortes d'usages à la ferme, et il dit au paragraphe 97, « Enduisez d'un murca réduite par la cuisson, les essieux, les courroies, les chaussures et les cuirs en général, vous les améliorerez. » Parmi les instruments de la ferme qui demandaient de la graisse, il y avait aussi les câbles de cuir qui étaient utilisés pour actionner le pressoir à huile lui-même. Enfin, la murca entrait dans la composition de nombreux médicaments destinés aux hommes et aux animaux. Cels, qui écrivit à l'époque de Tibère une encyclopédie dont seuls les 8 livres concernant la médecine nous sont parvenus, Cels donc utilise la murca mélangée à du vin pour le traitement des ulcères des doigts. Et je vous renvoie au De Medicina 6-19. Dioscorie aussi prescrit la murca en mélange avec du vinaigre et du vin ainsi que du mulsum, c'est-à-dire du vin mielé, pour soigner les blessures. Ce qui, là aussi, est une bonne idée finalement. Et je vous renvoie au livre 1, paragraphe 102. Et Pline s'en sert pour soigner les gencives, les ulcères de la bouche, les aphtes, les ulcérations du siège. Et il indique qu'elle est plus efficace lorsqu'elle est réduite au feu jusqu'à atteindre la consistance du miel. Et vous trouvez ce passage au livre 23, paragraphe 74. En médecine vétérinaire, la murca est encore plus largement employée comme fortifiant pour les bœufs, Caton, paragraphe 103, et Columelle 646, contre la gale des moutons, Caton, paragraphe 96, et Columelle 747, et enfin, pour éliminer les puces des chiens, ce qui devait être effectivement efficace, car nous avons vu que les margines ont cette capacité. Et vous trouverez la référence chez Columelle en 7.13 et chez Palladius en 1.35.8. Alors, l'autre type de sous-produit, ce sont les grignons. Sous l'action de la presse, comme nous l'avons vu, l'huile donne de l'huile, des margines et des matières solides qu'on appelle les grignons. Il s'agit des noyaux d'olive écrasés et de la pulpe qui a été plus ou moins bien asséchée. On estime que dans les pressoirs traditionnels, une tonne d'olive donne 200 litres d'huile, 450 litres de margine, qui comporte à la fois de l'eau de végétation et puis l'eau qu'on ajoute, bien entendu, et 350 kg de grignons qui groupent à la fois les noyaux eux-mêmes, ce qu'on appelle le grignon blanc, et la pulpe, ce qu'on appelle le grignon noir. Ces grignons, que le digeste appelle nuclei olivarum, sont un combustible remarquable, à la fois par leur pouvoir énergétique, et on estime à l'heure actuelle qu'un kilogramme de grignons possède à peu près le même potentiel calorifique qu'un litre de fioul, et par leur qualité de combustion. Les grignons, en effet, ne dégagent pratiquement pas de fumée, et ils étaient donc très précieux pour chauffer les maisons antiques, dépourvues de véritables cheminées, et qui employaient, bien entendu, des braseros. Ces particularités expliquent qu'on ait systématiquement brûlé les grignons dont les restes carbonisés sont un solide indice de la présence d'huileries dans la région. Ainsi, le tamisage à l'eau des sédiments archéologiques lors d'une fouille d'une installation artisanale est une pratique essentielle. Dès le Minoen moyen 1A, par exemple à Chama-Lévry, en Crète occidentale, ce sont les noyaux d'olive écrasés et carbonisés qui attestent la production d'huile en quantité notable. Toutefois, les grignons n'étaient pas utilisés que dans les huileries. Dans les faubourgs d'Acarnès, près d'Athènes, les grignons étaient employés par des potiers pour chauffer leurs fours dans la deuxième moitié du IIIe siècle de notre ère. À l'époque romaine, les grignons représentaient un combustible apprécié et ils étaient inclus dans les héritages. Selon le Digeste, en 32-55-1, on trouve parmi les bois qui peuvent être transmis par héritage, on trouve donc les noyaux d'olive. Et voici ce que dit le Digeste. Il est donc dit qu'Ophilius inclut parmi les bois susceptibles d'être légués tout ce qui peut se brûler, aussi bien les baguettes, les charbons de bois, les noyaux d'olive, lesquels ne peuvent être utiles à rien d'autre qu'à être brûlés. Partout où il y a eu production d'huile, les grignons ont été employés pour chauffer des fours. À Pompéi, les fours de boulanger étaient chauffés à plus de 90% par des grignons, comme le montrent les travaux récents de Nicolas Montex et les analyses anthracologiques de Véronique Materne. Une étude morphométrique qui vient d'être réalisée par Claire Blanchet dans le cadre d'un mémoire dirigé par Jean-Frédéric Terral et qui s'appelle « Analyse morphométrique de noyaux d'olive carbonisés du site de Pompéi », on a pu étudier 448 noyaux d'olive qui étaient préservés donc dans ces cendres des boulangeries. Et cette étude a montré qu'on trouve de nombreuses variétés d'oliviers, dont une majorité de cultivars originaires de l'Orient ou de l'Occident de la Méditerranée, mais aussi des variétés d'olives originaires de Grèce, d'Asie mineure et de Syrie. À Leptiminus, en Afrique du Nord, enfin en Tunisie, ce sont les ateliers de potiers qui étaient alimentés par des grignons, comme l'attestent d'ailleurs tous les ateliers d'Afrique du Nord et d'Espagne, qui étaient évidemment au moment de la saison de la fabrication de l'huile, qui étaient alimentés par les résidus des huileries. Aujourd'hui encore, des potiers traditionnels, comme par exemple ceux de Trepsano, ici en Crète, chauffent toujours leurs fours avec les grignons d'olive. Et dans la villa de Saint-Michel-Lagarde, centre d'un grand domaine oléicole, nous avons vu que les bains étaient chauffés grâce à ce combustible. On n'a conservé aucune mention de commerce, d'amurca ou de grignons. Il est clair que les emplois étaient principalement liés aux travaux de la ferme et plus généralement de la villa, mais l'utilisation massive des grignons par des artisans boulangers et par des potiers implique certainement des formes de commercialisation à court rayon que jusqu'à présent nous ne pouvons appréhender faute de documents. En conclusion de cette première série de cours sur l'olivier et l'huile d'olive dans l'Antiquité, il convient de se poser la question de la place que tenait l'huile d'olive dans la consommation des ménages. Il faut bien admettre qu'on manque de sources pour répondre à cette question qui, de plus, appelle des réponses différentes selon les régions et selon les périodes. Pour les périodes récentes, les estimations varient énormément. De nos jours, où l'on n'utilise plus l'huile d'olive pour s'enduire le corps, ni pour les parfums, ni pour les lampes, et qu'on dispose d'autres gras, notamment des huiles de graines peu chères, et du beurre évidemment, la consommation d'huile d'olive est basse. Les Français n'en consomment que 1,5 litre par an. Les Grecs restent les premiers consommateurs mondiaux, avec une moyenne de 20 litres par an. Mais au XVIIIe siècle, une famille crétoise consommait 240 litres d'huile par an, mais seulement 50 litres lorsqu'elle ne possédait pas elle-même des oliviers. De l'autre côté de la Méditerranée, en 1764, Marseille consommait 34 litres par personne et par an d'huile destinée à la table, à faire brûler ou aux lampes pour les églises. La consommation antique a donc dû être relativement élevée dans certaines régions de production et l'élévation du niveau de vie s'accompagnait, comme nous l'avons vu, d'importations d'huile, notamment dans les grandes villes. En Judée, la Mishnah indique que lors de l'année sabbatique, un potier peut vendre 5 amphores d'huile, soit entre 100 et 125 litres, parce que c'est la ration légitime pour une famille durant une année. Et vous trouverez ça dans le Shewit, le traité Shewit 5-7. Pour la Grèce, Lynn Foxall, dans son ouvrage « Olive Cultivation in Ancient Greece », paru à Oxford en 2007, a tenté des estimations, et vous trouverez cela, page 86. Elle compte 25 à 35 kilos par personne et par an pour l'huile alimentaire et l'huile utilisée pour le corps. Pour les soins du corps, en effet, la consommation était nettement plus importante que nous pourrions le penser rétrospectivement. S'enduire le corps était recommandé comme pratique de santé, notamment en hiver, et il y avait une obligation sociale d'aller au gymnase et au bain. Les hommes devaient employer au moins 25 à 50 millilitres d'huile pour s'enduire. Si on compte 4 jours par semaine, cela représente entre 5 et 10 litres d'huile par an. Si les femmes consommaient ne serait-ce que 30 millilitres par semaine, cela représentait là aussi un minimum de 1,5 litre par an uniquement pour les soins du corps. Ces onctions sont une donnée fondamentale en Grèce car elles sont socialement connotées. Il fallait s'enduire d'huile, si possible parfumé, pour le symposium, pour les exercices au gymnase. Il ne s'agissait pas de perdre la face. Une forte consommation d'huile soulignait un haut statut social. C'était un constituant clé de l'identité, un statut symbole. Nous avons expliqué plus haut l'évolution de la charge de gymnasiarque qui, à partir de la seconde moitié du IIe siècle avant Jésus-Christ, prit en charge la fourniture d'huile aux jeunes gens fréquentant le gymnase, ce qui était un signe fort de distinction qui signait l'appartenance à la communauté des Hellènes libres et notamment par rapport aux barbares, bien entendu. Donc je n'ai pas de doute qu'un besoin social si fort faisait que dans les familles, on devait épargner, si besoin était, sur l'huile destinée à l'alimentation ou aux lampes pour en disposer suffisamment pour pouvoir paraître à l'extérieur et notamment à la palestre. Il faudrait donc compter un minimum de 1,5 litre d'huile par femme et par an pour le bain et 5 à 10 litres pour un homme pour le bain et la palestre, c'est-à-dire au minimum 10 à 20 kilos par maisonnée rien que pour ses soins du corps. La consommation d'huile pour les lampes est plus difficile à estimer. On ne sait si on allumait des lampes à huile tous les soirs. En comptant 0,5 litres d'huile par banquet, et en estimant, disons, pour deux soirs, ça ferait dans les 80 à 110 kilos d'huile par an. Enfin, il y avait aussi une consommation moindre, mais certainement coûteuse, d'huile chargée de senteurs aromatiques employées comme médicament. Au total, la consommation d'une maisonnée aisée pourrait être de l'ordre de 200 à 300 kilos par an, chez les Grecs de la grande époque, c'est-à-dire chez les riches qui pouvaient se les permettre. Ces chiffres élevés expliquent que certaines cités grecques aient été contraintes d'importer de notables quantités d'huile et donc d'organiser cet approvisionnement qui était absolument nécessaire à assurer leur statut. C'est un signe extérieur de grécité, si on peut dire. Alors on pourrait multiplier les exemples en montrant des différences énormes selon les lieux, les époques, les conditions économiques et sociales. Pour l'époque romaine, une liste de commissions trouvées à Pompéi montre que dans certains ménages, l'huile était achetée au jour le jour, au fur et à mesure des besoins. En général, une livre quotidiennement. Le document, qui est une inscription publiée au CIL 4-53-80, donne le détail des dépenses d'un ménage de deux adultes libres et d'un esclave pour une période de 9 jours. Sur 225 as dépensés, l'huile représente 45 as, c'est-à-dire 20% des dépenses, à l'égal du pain, qui compte pour 46 as, et loin devant le vin. Cette famille pompéienne de 3 personnes a donc dépensé 45 as en 9 jours pour ses achats d'huile. Au prix moyen à Pompéi en 79 de 4 as pour une livre d'huile, ça serait donc 11,25 livres d'huile qui ont été achetés, soit près de 4 litres, qui auraient donc été achetés et utilisés au cours de cette période. Si on extrapole à l'année, les chiffres donnent une moyenne de 50 litres par personne, ce qui est beaucoup. Mais on ne peut pas fonder une règle sur ce cas isolé, car d'une part, on ne sait pas comment aurait évolué la consommation durant le reste de l'année, et d'autre part, d'autres listes, comme l'inscription CIL 4-8566, donnent une place bien moindre à l'huile, et logiquement bien plus grande au vin, et puisque là on a un achat pour un as d'huile et pour 4 as de vin. La consommation des ruraux oléiculteurs et des habitants privilégiés de certaines villes, telles que Rome et Constantinople, devait être toutefois assez élevée par rapport aux standards actuels. Antoine Thénard, dans un article intitulé « L'approvisionnement alimentaire de Rome à la fin de la République et au Haut Empire », a tenté une estimation de la consommation minimale des habitants de Rome sous le Haut Empire à partir des données de Monte Testaccio, qui est formée, comme nous l'avons vu au cours des cours précédents, de plus de 50 millions d'amphores à huile provenant principalement de Bétique, c'est-à-dire d'Espagne méridionale. Étant donné la durée d'utilisation de cette décharge, environ 250 ans, étant donné qu'une partie des amphores de Bétique se trouve aussi dans les couches archéologiques de la ville elle-même ou qu'elles ont été concassées pour faire du béton, et étant donné que la population de la ville, qui peut être estimée entre 800 000 et 1 million d'habitants, on pourrait avoir une consommation de l'ordre de 13 à 20 litres d'huile par an et par personne. Si le calcul est juste, cette quantité est à majorer, car toute l'huile ne venait pas de Bétique ou d'Afrique. Nous avons vu qu'une part de l'approvisionnement de la ville de Rome était fournie par des producteurs de l'Étrurie et du Latium, voire d'Apulie, qui livraient leurs huiles dans des outres. L'estimation est aussi une moyenne, prenant en compte les pauvres non-citoyens qui devaient consommer très peu. Mais même avec ces biais, le chiffre donne une estimation du minimum de la consommation urbaine des populations privilégiées des pays méditerranéens. En revanche, les montagnards, les populations de la Gaule, de la Bretagne, de la Germanie, de la Pannonie, celles de l'intérieur de l'Asie mineure, ne devaient utiliser de l'huile d'olive que par exception, leur fond de cuisine restant le gras animal, le lard et le saindoux, et ils devaient utiliser toutes sortes d'autres huiles pour les usages extérieurs. En résumé, toutes les estimations dont nous disposons pêchent par leur partialité et je suis très sceptique sur la possibilité d'extrapoler des chiffres de consommation au niveau de l'Empire sur les bases, les rares bases dont nous disposons. Les marges d'erreur sont beaucoup trop grandes et elles s'accumulent. Quelle consommation en ville, quelle consommation chez les riches, quelle consommation à la campagne, quelle consommation dans les montagnes, qu'est-ce qu'on faisait en Lyonnaise par rapport à l'Afrique, combien y avait-il d'habitants dans les villes et combien y avait-il dans l'Empire? Nous ne sommes sûrs d'aucun de ces chiffres. Et finalement, c'est encore Rome qui permet la meilleure approche. Au IIe siècle, la consommation moyenne par habitant privilégié, si l'on en croit les chiffres de Rome, devait excéder les 20 litres par an, et peut-être jusqu'à une trentaine de litres, d'une huile qui était fournie principalement par l'administration impériale. C'était les cours du Collège de France le 19 décembre 2017. Vous venez d'écouter Jean-Pierre Brun, technique et économie de l'huile d'olive dans la Méditerranée antique. Aujourd'hui, combustible, onction, usages techniques et divers de l'huile d'olive. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Jean-Pierre Brun. L'archéologue a publié « Le vin et l'huile dans la Méditerranée antique, viticulture, oléiculture et procédés de fabrication » en 2017 chez Errance et chez le même éditeur en 2004. Je rappelle qu'il avait publié « Archéologie du vin et de l'huile, de la préhistoire à l'époque hellénistique ». Vous avez pu entendre au cours de cette série quelques brèves archives sonores. Un grand merci à Claire Imonac de l'INA et à Lise Signoret de la Bibliothèque de Radio France. Réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Moneghetti. Demain, nouvelle série en compagnie d'Anne Chang, nous gagnerons la Chine pour interroger sa prétention à l'universalité selon la formule de la sinologue. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.